Alors que le jour commence à poindre, Roderigo vient se plaindre à Iago. Non seulement il s'est fait rosser par Cassio, mais en plus, il n'a toujours aucun résultat des sommes dépensées pour séduire Desdemone. Mais Iago s'emploie à le réconforter. Cassio, avec l'aide d'Iago, demande à Emilia, femme d'Iago et confidente de Desdemone, de lui ménager une entrevue avec Desdemona pour plaider sa cause. L'entrevue a lieu et Desdemona arrive ainsi à rassurer Cassio. Mais quand survient Othello, Cassio précipite son départ. Et comme Othello, en présence d'Iago et d'Emilia, s'interroge sur le départ précipité de son ex-lieutenant, Desdemona plaide sa cause encore, puis s'en va avec Emilia. Resté seul avec Othello, Iago s'emploie alors à mettre en doute l'honnêteté de Cassio et la fidélité d'Esdemona. Et comme Othello est par ailleurs persuadé de la fidélité et de l'honnêteté d'Iago, les soupçons distillés par Iago lui donnent la migraine. Desdemona arrive et pour le soigner, lui met un mouchoir sur le front. Mais Othello fait tomber ce mouchoir qu'Emilia s'empresse de ramasser, car son mari, Iago, voulait depuis longtemps le voler. Car ce mouchoir est précieux. Il est le premier cadeau offert à Desdemona par Othello, comme gage de son amour. D'où l'intérêt qu'il a pour Iago.